Enfin, pour t'exprimer comment je t'aime plus que je m'aime, en ce jour de ton anniversaire, je te dédie ces quelques vers. J'espère qu'ils trouveront une place dans ton cœur. Ils sont ébriés de toute ma douceur. Bonne fête. Bonne fête, mon amour. Dans mon cœur, tu règnes pour toujours. T'oublier, ce ne serait jamais, puisque tu habites en moi désormais. N'est-ce pas le jour de ton anniversaire? Nos deux cœurs chantent le même air. Nos deux voix se confondent dans l'allégresse qui nous rend fous d'ivresse. Étincelante, tu es aujourd'hui comme le soleil qui luit. Féerique dans ta parure, enjolivée par ta coiffure, enivrante avec ton parfum doux que je ne cesserai d'humer jusqu'au bout. Ta beauté est fascinante, tu deviens plus rayonnante, et ton chevalier servant avec toi en tête te dit avec des fleurs rouges, bonne fête.